L'imam Ibn al-Qayyim a rapporté de son cheikh l'islam, Taymiyyah rahimahullah, il a dit, je l'ai entendu dire, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Cheikh l'islam a défini zuhd, il a dit, az-zuhd, c'est le délaissement de ce qui n'est pas profitable dans l'au-delà. Az-zuhd, c'est le délaissement de ce qui n'est pas profitable dans l'au-delà. C'est-à-dire, zahid, c'est quelqu'un qui fait uniquement des choses qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'il fait, c'est, ça ne sort pas de deux catégories. La première, c'est ce qu'on appelle l'ibadat al-mahda, les adorations pures. La salat, la zakat, al-siyam, al-hajj, al-dhikr, qira'at al-Qur'an, et ainsi de suite. Ça, c'est des adorations pures. Et la deuxième catégorie de choses dans lesquelles il sera occupé aussi, c'est les habitudes qui se transforment en des adorations avec la bonne intention. Et ces habitudes, elles ne deviennent des adorations qu'avec la bonne intention. Et cette bonne intention, c'est parce que ça t'aide dans l'adoration pure, l'adoration de base. À titre d'exemple, quand tu manges, ça c'est une habitude et non pas une adoration. Le kafir, quand il mange, il n'a pas de récompense. Le musulman, quand il mange, il n'a pas de récompense. Mais quand le musulman il mange, pour prendre des forces et mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala et manger de l'halal que Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribué. Avec ses intentions, cette habitude devient une adoration. Mais pourquoi ça devient récompensé comme une adoration? Parce que ça t'aide dans l'adoration de base. Donc Zaid, l'ascète, c'est pas celui qui porte une djellaba déchirée, abîmée, usée. C'est pas celui qui ne mange pas des bons plats et il se limite à du pain sec ou du pain dur, comme le croient certains soufis. C'est pas ça, Zahid. Zahid, l'ascète, le vrai, c'est celui qui est dans ces deux catégories d'actes. Il délaisse tout ce qui n'est pas profitable dans l'akhirah. C'est-à-dire, il délaisse tout ce qui ne le rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne va pas faire des sorties et des promenades avec son épouse, avec ses enfants, pour être un zahid? Non. Car ça aussi, c'est des choses qui aident dans l'adoration et qui deviennent des adorations avec la bonne intention. Dévertir ses enfants, les faire sortir, leur faire découvrir la nature. Tout ça, c'est des adorations. Ça devient des adorations avec la bonne intention, bien évidemment.